بسم الله الرحمن الرحيم. Le site damajfr.com vous présente une série de cours tirés du livre Al-Madina, c'est-à-dire de Médine. Tome 3, cours dispensé par le frère de mérite Abu Taymiyyah Khalil Al-Martiniki wafaqahullah Dar Al-Hadith Bidammaj. 12e leçon, première partie. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أدخل اليوم في الدرس الثاني عشر وهذا الدرس في موضوع الظرف ظرف الزمان وظرف المكان وكلاهما من المنصوبات الظرف يدخل في الأسماء المنصوبة التي علامته الأصلية الفتحة أو ما ينوب عنها لو عقنا الظرف جسكي قصنا الظرف qui est le nom qui englobe le temps ou un lieu. Et ce nom fait partie des noms qui sont mansoub. Il y a deux catégories, Zalof Meken, un nom qui englobe un lieu, Zalof Zemen, qui englobe un temps. Vidas, un dana sitat ashas. Sa akra ou Meken el Mudarris, ou anta Ahmed, ou anta el Hussein. وانت علي وانت جمال وانت زبير طبعا يقول ارحب بكم في اليوم الاول من العام الجديد متى وصلتم من بلادكم donc je vous accueille grandement faites la bienvenue en ce premier jour de la nouvelle année quand êtes-vous arrivé de vos contrées de vos pays وطبعا هذا ما في عندنا في الإسلام يعني حفلة لليوم الأول من العام يا فن نوبل عن الإسلام إجلس ça c'est qui se passe en Islam الأعياد nous fait à nous c'est العيد عيد الفطر après رمضان عيد الأضحى qui est العيد الكبير après الحج et الجمعة Aïd. Le fait de fêter la nouvelle année, cela fait partie de la ressemblance au Kuffar, comme eux ils le font avec le 1er janvier et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pas un jour particulier et un spécial. Juste une nouvelle année qui débute par rapport à la chronologie et à l'historique. C'est tout. Mais sinon, il y a rien de plus. Il y a certaines personnes qui ont réservé ce jour pour faire du jeûne, pour jeûner. Et là-dessus, il n'y a pas de dalil là-dessus du tout. De réserver, de spécialiser ce jour-là pour pouvoir jeûner. Une chose qui n'a pas de dalil, considérée comme étant bid'a. Quand même. Ahmed. Nous sommes arrivés il y a une semaine. Comme là, ce serait avant, mais là, on va dire il y a une semaine. Il dit quant à moi, je suis arrivé hier. أنا وصلت يوم الثلاثاء وذهبت إلى مكة لأداء يدي عمرتي وبقيت هناك ثلاثة أيام ورجعت البارحة. Qui dit, moi je suis arrivé mardi, يوم الثلاثاء, c'est mardi, et je suis allé à Mecca pour accomplir la Umrah. لأداء, ça ce serait un masdar qui veut dire accomplissement. Exécution, je vois dans ce sens-là. Donc, les Adel Umrah, c'est-à-dire pour accomplir la Umrah. Je suis là, resté là-bas 3 jours. Et je suis revenu hier soir. Al-Bariha, on le rappelle souvent, c'est un mot qui veut dire la nuit dernière, de la veille. Seulement, on l'emploie que le lendemain après Dhuhr. Vous voyez ? Par exemple, si là, maintenant, là, à l'heure qu'il est, Elioum, il accepte, on est samedi aujourd'hui. Moi, si je veux viser, par exemple, hier soir, c'est un coup de l'aide, elle est l'allemand d'hier. Je ne veux pas dire le Bariha. Pourquoi? Parce que là, il est 10h15 chez nous. On sera après Vor, j'aurais dit le Bariha. Mais avant Vor, t'as coup de l'aide allemand. Et le mana, c'est ça, quoi. Elle est l'allemand d'hier. Et beaucoup de gens aujourd'hui l'emploient à tout va, ils prennent le Bariha pour dire, par exemple, hier, tout court. Tout comme ils m'ont Bukra pour dire demain. Alors Bukra, à la race, ça va. Tu as dit Bukra pour dire demain, Mutlaq. Demain matin. Bukra, c'est demain matin. Tayyib. Ahlan wa sahlan. Yani, formule de bienvenue. Ya Ustadh. أتسمح لي أن أجلس أمامك إن هذا مقعد خالي فإن صاحبه توي فيده قيده العام الماضي. نعم. Yo professeur, me permets-tu de m'asseoir devant toi? Car cette place, ou plutôt, certes, cette place est vide. On a Khalid, vacante, vide. À la base, c'est Ismu Mankous, c'est Khalid, qui nous voit Nakira, Fabitanouin. Car certes, celui qui s'asseyait ici, soit Sahibaou, celui qui s'asseyait à cette place-là, tout Yakaïdou, en fait, c'est-à-dire plier bagage. J'espère leur doubler la place. Hein. J'ai trouvé mon plié bagage, vous virez, et t'as envoyé. Qaïdou, c'est quoi Qaïdou? Qaïd à la base, c'est une chose qui te retient. Ça peut être des menottes, ça peut être une chose que. J'avais trouvé comme ça tout, il y a Qaïdou, Lakin. Allez, donc, son truc, c'est ici. C'est où elle était envoyée et où il est parti l'année dernière. Juste Haïfou Shit. Assieds-toi où tu souhaites, où que tu veuilles. Haïfou, là, ce serait où Qarib Mana Aïna. Qarib Mana Aïna. Là où il m'a ajlissa tahta l'mirwahat, mirwahati fa inna dhalika yadurruni, afa ajlissu khalfa jamal. Il dit, je ne veux pas m'asseoir sous le ventilateur, car cela me nuit. Est-ce que je m'assois derrière Jamel, dans le sikoul, la mani'a la daïya, aucun empêchement pour moi. C'est-à-dire, je n'y vois pas d'objection, en fait. Aïna safarta fi utlati shayf hadhi sana, ya ustaz. Donc, où as-tu voyagé lors des vacances d'été, cette année, au professeur? Doris, il est Philippine. Il a dit aux Philippines. Jamel. Alam tamuru bi kouala lambour. Oui, bi kouala lambour. Kouala lambour. Je ne connais pas son équivalent. Une sorte de ville, mon frère ne les connaît pas. C'est des villes qu'on ne nous a pas appris à l'école. C'est une ville des pays d'islam. Ah bon, je ne téléphone pas trop. Je ne sais pas c'est quoi son équivalent. Il dit si, cependant, je ne suis pas assez longtemps. Un long moment. La quatrième kousou, c'est demeurer. Un abakiyé, c'est même. Kem la bista. Combien de temps es-tu resté là-bas, à Oustaz, professeur? Ouna Femma, Mana, Ounaka. Attention entre Femma et Femma. Moudarus Yakoul. Labistu Femmata, Yeoman, Aoubard Yeom. Je suis resté là-bas un jour où. Une période du jour, un certain temps du jour. Thamma avec un tel, ou Thamma, c'est le même sens. Nafs ma'ana. Thamma, bimana hunak, lakin hunala. Ani ba'id. C'est d'où le mekan el ba'id. نسمع ثم وثم معنا سواء واحد ممكن في فرق يعني خفيف أما المعنى أصلا نفسه جبل لو عرفت عرفت لو عرفت أنك تأتي إلى البلد لا لا لا استكبرت لا استكبرت لا استكبرتك في المطار أسافرت سافرت أسافرت إلى سنغافورة أيضا سنغافورة سنغافورة أيضا donc il dit si j'avais su que tu t'étais rendu dans mon pays je t'aurais accueilli à l'aéroport est-ce que tu as voyagé aussi à Singapour Là, là, c'est pas Singapour. Singapour, peut-être Singapour. Ouais. Peut-être Singapour, ouais. Là. Alam tu safir ilayha min qabl. N'as-tu pas déjà voyagé là-bas auparavant? Doris Nam. Ou plutôt, n'as-tu jamais voyagé? On ne va pas dire jamais, mais. Ouais, c'est ça, quoi. Bah, tu n'as pas voyagé auparavant. Tu n'as pas été auparavant. Quand les Naam, la Moussafi, il est Hakot. Il dit, en effet, je n'y suis jamais allé. Parce que ça, c'est pas un truc arabe. Du coup, voilà. Voilà, c'est pas un truc arabe. Je crois que c'est Singapour, comme tu as dit. Mais non, c'est une rafoura. C'est pas Warnabour, un truc. Il n'y a pas un truc comme ça, ça s'appelle. Ma Adri. Je sais pas du tout ce qu'elle dit. De toute façon, Alhamdoulilah, c'est un dars d'arabe, c'est pas un dars de géographie. Pour ça, je sais pas le nom de la ville, là, c'est pas dramatique. يقول أجيب عن الأسئلة الآتية متى وصل الحسين قول الحسين في تاريخ كم يوما بقي علي في مكة كم يدجو علي رستا مكة لما لا يريد الزبير أن يجلس تحت المروحة pourquoi est-ce que الزبير ne veut pas s'asseoir sous le ventilateur أين سافر المدرس في عطلة الصيف où est-ce que le professeur a voyagé lors des vacances d'été كم لبث في كوالالمبور؟ كم من temps est-il resté à Kuala Lumpur؟ أو كوالا لامبور؟ نعم. تمام. الأسئلة للدرس الآتي إن شاء الله. الآن الدرس كما قلنا وفي الظرف ظرف مكان الظرف زمان ويسميان كذلك بالمفعول فيه المفعول فيه طيب المفعول فيه يعني المكان الذي يحدث الفعل فيه إما في الزمان وإما في المكان طيب تعريف الظرف هو المفعول فيه هو sa définition au ظرف مكان هو الاسم المنصوب للمكان بتقديري فيه والاسم المنصوب للمكان بتقدير في وظرف زمان نفس التعريف إنما تكون واحد للمكان والثاني للزمان ما معنى هذا تقدير فيه في Rojarfi. Rojarfi. Yani min huna l'alama la dhaf, awalan ism. Fakat. C'est juste un nom. Ou un monsoum. Qu'est-ce que ça peut faire? Ou un monsoum. Qu'est-ce que ça peut faire? Bitokdir fi, c'est-à-dire que l'action a lieu en son sein, c'est-à-dire à l'intérieur de ce mot-là, du sens qu'il englobe. Mathalan, jittu, mathalan, jittu, al-yom. Maman ala, jittu fi al-yom. Vous voyez? Hada wa al-tokdir. Lakin ma, la takul, fi. La yokal fi. Tokdir. C'est-à-dire le ma'na, sous-entendu, fi. Mais tu ne dis pas. Même tu ne dis pas. Anna kullak masalan. Yomu al-jumu'ati, yomun sa'id. On a yomu al-jumu'a. Yomu, c'est pas un verbe. Il m'a donné le nom à la fois. On a un mutada. يخرج من التعريف وثاني يوم الجمعة يوم سعيد أي يوم الثاني خبر فالمرفوض يخرج إذا رأيت اسما يدل على زمن أو مكان ليس بمنصوب ما وظف ثانيا لو قلت أنا أحب يوم الجمعة فهنا هو منصوب لكن هنا ما هو بظرف هنا هو مفعول به لأن المحبة وقعت على هذا اليوم وليست فيه. أنت بيقول فرق بين الظرف والمفعول به مثلا في المعنى المفعول به والاسم المنصوب الذي وقع عليه الفعل. أما الظرف والاسم المنصوب الذي وقع فيه الفعل من حيث الزمان ومن حيث المكان. L'action a lieu à l'intérieur de son temps ou dans son lieu. Et les morceaux. Tamam, bien cool. Wasaltu yoma al-thulatha'i. Huna yom mafoulun fi. Al-mafoulun fi ismun mansoub. Yuzkaru li bayan zaman il-fi'l au mekanihi. Wa yusamma idan dharfa. Donc wasaltu yom al-thulatha'i, je suis juste arrivé, mardi. Ici, le mot yom dans la phrase, c'est un maful fi, qui est un nom mansoub que l'on cite pour démontrer le temps de l'action ou le lieu de l'action. Et il s'appelle également zorf. Et zorf à la base, c'est quoi un zorf? C'est une chose qui englobe autre chose, comme une enveloppe. Cette enveloppe s'appelle zorf. Nahu awalen. خرجت ليلا سأسافر غدا إن شاء الله نمت بعد نومك فهنا خرجت ليلا je suis sorti de nuit معنى خرجت في الليل هذا هو تقدير خرجت في الليل هنا في الإعراب تقول خرجت هنا في الماضي مبني على السكون الاتصال بالضمير لا محل له من الإعراب وتو ولا ضمير متصل بمبني الضم في محل رفع فاعل وليلا هذا مفعول فيه وتستطيع تقول ظرف زمان منصوب بالفعل وعلامه نصبه الفتحه ونفس الشيء سافر غدا ان شاء الله ونمت بعد نومك هنا بعد ظرف مكان وزمان زمان j'ai dormi après ton sommeil. À toi. Wawa Mudaf Baab. Fanyan Mashaytu Milan. J'ai parcouru un mille. Jalastu Andel Moudir. Je me suis assis chez le directeur. Nimtu Tartchajaratin. J'ai dormi sous un arbre. Fauna Mafalan Mashaytu Kazalik Fiam Mahdi Mamni Asukun. Le Tissal Bid Damir Mamni. La mahal lahu min al-i'rab. Wa tu ada damir muttasib mabni ala dhamm fi mahal raf fa'il. Wa milan Ada. Vous voyez, Ada, Zorf, Maken, Monsoub, Bilfia, Warat Nasbi, Al-Fatha. وكذلك جلست عند ظرف مكان وتحت كذلك ظرف مكان فالآن ذكر بعض الظروف التي هي معربة il a cité des exemples de ظرف qui sont معربة maintenant il va parler de ceux qui sont مبنية ce qu'on a pris dans les asmal مبنية بعض الظروف تذكرون زدنا وقلنا في بعض في الأسمال مبنية أن فيها بعض الظروف الآن سيعيدها من جديد يقول بعض الظروف مبنية مثلا متى تقول متى قد يكون اسم استفهام بل هو اسم استفهام لكن لو إعراب لنو اسم فهمت؟ قد يكون في الغالب يعرب يعني ظرف ظرف المكان زمانا متى très souvent il va être pris comme يعرب ظرف مثلا تقول متى خرجت quand es-tu sorti هنا متى ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب en fait là متى c'est اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب ظرف زمن التقدير سي خرجت متى اي في اي وقت اي في اي وقت دونك سي فراز لا متى سي با مبتدا اتونسيون سا ظرف سي با تو اسم استفهام كي فيان او ديبي دو دو فراز كي سو ان خبر مبتدا اي بوت اوت شوز اي بوت مفعول به مقدم Il peut être autre chose. Il faut juste analyser la phrase et bien saisir le sens. Aïna, kedalik. Aïna, takul. Aïna tadrous. Aïna tadrous. Huna, aïna, zorf mekan. Memni la fatah, fi mahal nasb. C'est le même exemple que celui qui est au-dessus, que mata. Nefs qadiyya. Ma'ana takdir tadrous aïna. Aï fi aï mekan. أمس أمس دائما مبني على كسر تقول لم أغيب أمس je n'ai pas été absent hier فهنا أمس ظرف زمان مبني على كسر في محل نصب طيب مبني على كسر في محل نصب ومن الفوائد إذا رأيت كلمة أمس بألف واللام معنى الماضي c'est-à-dire le passé de façon générale تقول بالأمس لم أكن مسلما dans le passé j'étais pas muslim c'est pas dire hier en soi c'est قلت بألف واللام بمعنى الماضي طيب معنى الماضي وبدون ألف واللام معنى اليوم الذي قبل يومك هذا الذي أنت فيه hier quand tu vois sans ألف واللام origine c'est hier Tu vois qu'Alif Olem, ça veut dire avant, dans le passé. Qattu Takul Lam Azuk Hadha Hadihi Al-Fakiha Qattu Founa Qattu Zarzaman Memni Al-Adam Fi Mahal Nas Donc je n'ai jamais mangé de ce fruit auparavant. Donc la Qatt ça c'est le terme du, c'est pour négation catégorique dans le passé. Jamais. Qui n'est le fok bien akot ou abadan, un akot du stardom fil mardi. Ou abadan du stardom fil hel ou fil mustakbel. C'est la différence. C'est le même sens tous les deux. Sauf que kot c'est pour le mardi et abadan c'est pour le passé, pour le, enfin, le présent ou le futur. Alors que et abadan aussi tu peux l'employer pour le sens contraire. C'est-à-dire toujours. Amchil me dit abadan. Je vais toujours à. S'il n'y a pas de négation, je veux dire le contraire. À ma côte, je ne connais pas que Rasta. Donc, côte, il est même dit à la dame. Et côte, tout. هنا وهنا في الحقيقة واسم إشارة. هنا هذا اسم إشارة يدخل في قسم أسماء الإشارة الدالة على المكان. Par lesquels tu indiques un lieu. Tu dis pas une personne. Tu dis pas la Selene. Ouna, Abou Bakr. Si je dis ça, ça veut dire qu'Abou Bakr, il est là. Je ne vais pas indiquer Abou Bakr en lui-même. Je vais indiquer le lieu où il est. Alors, si je dis Hada Abou Bakr, non. Mais je dis Ouna, je vais indiquer quoi? Le lieu où il se trouve. Et pas lui en lui-même. Takoul, Ijlis Ouna. Fantanta. Assieds-toi là. Tamam. Huna, ظرف مكان مبني على السكون في محل نصب. كما تستطيع تقول هناك او هنالك. Comme ذاك ou ذلك. Tu peux ajouter le même bourg et le kaf le khitab. C'est un ism ishara. Huna, c'est un ism ishara. Wa thumma, ou plutôt thumma aussi. ثم سيسم إشارة. طيب الآن تقول الآن الآن جدت. C'est maintenant que tu arrives. انتبهوا. Là il a mis un mat sur le premier alif. Pourquoi? Parce qu'en fait on a le hamza de l'istifham et le alif, le hamza de l'alif wallam. C'est pour ça qu'il a mis un mauge. À la base c'est الآن. Là on dit الآن. On a semblé entre les deux. C'est une question là. Takul, Huna al-An, Zorf Zemed, Memdi à la Fat, Fimahal Nas. Donc les Memdis à la Fat. Haythu, Takul, Ijlis, Haythu Shit. Assieds-toi où que tu veuilles. Haythu, il peut s'employer pour le Zemed et pour le Meken. معنى قريب من أين؟ طيب معنى قريب من أين؟ ومبني على الضم. حيث تبتغو بحيث حيث يا حيثي. ثلاث لغات. من الأبل كنت سي حيث أي كالضمة. هنا حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب. طيب نقصصي بعض الظروف. التي مبنية ثم مبني وهي في محل نصب مفروض فيه ثم يقول هناك أسماء تنوب عن الظرف منها et tu peux trouver des noms dans les phrases qui remplacent le ظرف qui prennent sa place ils vont avoir à peu près le même sens mais ils vont prendre sa place يقول أولا première catégorie المضاف il est ظرف مما دل على كلية على كلية الزمان أو مكان أو جزئيتهما. Un mudaf, voyez, un mudaf qui va quoi? Démontrer un temps complet ou une partie du temps ou un lieu complet ou une partie du lieu. مثلا يقول سافرنا كل النهار. Nous avons voyagé toute la journée. انتظرتك ربع ساعة. Je t'ai attendu un quart d'heure. مشيت نصف كيلومتر. J'ai marché un demi kilomètre. هنا الكلمة كل وربع ونصف نابت عن الظروف. À la base كل c'est pas un ظرف. ربع c'est pas un ظرف. طيب ونصف c'est pas un ظرف. Mais quand tu les fais مضاف à un ظرف, ils prennent son irab. Vous voyez, il prend son irab. مثلاً, في الإعراب تقول سافرنا. مثلاً كل تقول هذا نائب عن الظرف. نائب عن الظرف منصوب بالفعل ولمته نصبه الفتحة. وهو مضاف والنهار مضاف إليه. والنهار مضاف إليه. نفس الشيء. انتظرتك ربع ساعة. ربع هنا نائب عن الظرف منصوب ولمته نصبه الفتحة. Ou à Moudov, ou à Sa'a, Moudov il est. Et attention parce que cet oscille là, il va revenir dans quoi? Dans le Mafoud Moutlok. Dans le Mafoud Moutlok, on va prendre ce même oscille. Sa'aniyen. Parmi les choses qui remplacent Zarf, Sifato. Sa caractéristique. Nahu, Jalastu Tawilan. Ay, Waqtan Tawila. Fauna Tawila, Sifato ni Zarf. Nabat Anu. Mathalan, Jalastu Tawilan. Jalastu Zafir Mardi, Mamni. على السكون لاتصال بضمير لا محل له من الاعراب واتولى ضمير متصل من غير الضم في محل رفع فاعل طويلا هذا صفه من ظرف معظوف طيب صفه من ظرف معظوف والظرف معظوف ما هو وقتا تمام في وقتا هنا طويلا صفة من منصوب هو منصوب مثله وعلامة نصبه الفتحة اختوى جلست طويلا تعيب أصدقاء أدديو لصنص je suis assis à longtemps أو تبقى dire aussi comment ça vient dans le mafou mutlof جلست جلوسا طويلا aussi on peut dire ça aussi après c'est toi de voir طيب ثالثا parmi les choses qui remplacent le ظرف اسم الإشارة نحو جئت هذا الأسبوع فهنا je suis venu cette semaine هنا هذا نابع عن الظرف طيب فهنا هذا في الإعراب تكون اسم الإشارة مبني على سكون في محل نصب نائب الظرف الأسبوع سبيل الإعراب الأسبوع ما يعرب الأسبوع؟ الأسبوع ما يعرب؟ لا ما ظرف هذا من الكتاب أول تبيه كيف مفعول به؟ هذا الأسبوع ما يعرب الأسبوع؟ أيوة بس يقصني يعرب C'est pas un mot d'affilé, là, là, là. Ah ben, c'est pas un mot d'affilé. Tu vois pas qu'il est mansoum ? C'est un badel. Badel. Badel de Hada. Le ism qui a dit fois, qui a pris un ism chara, c'est un badel. Le ism chara. رابعا رغم اللي شوف كي غفلص الظرف العدد النومه نحو مكثت في بغداد أربعة أيام شوف يستيقى بغداد 4 جور سيرنا 100 كيلومتر لو باركوري 100 كيلومتر فهنا أربعة ومية عددان نابا عن الظرف فتقول مكثت في بغداد أربعة أيام مكثت هنا في الماضي مبني لسكون لاتصال بضمير لا محل له من الإعراب تولى ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع في محل رفع فاعل في حرف جار وبغداد اسم مجرور بفي وراء تجره الفتحة نائبة عن الكسرة لأنه من المصرف والجار والمجرور متعلقان ب فخشاكوا أيوة سأخش على كوه الجار وجوب تعليقنا بماذا فسيلة فات فيش ما قاعد يأخذ الفيل أربعة هذا نائب الظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة ومضاف وأيام مضاف إليه تقلال النائب بظرف في أربعة نفس الشيء سيرنا 100 كيلومتر طيب غدًا أنتم في حراسة صح؟ أنتم في حراسة غدًا صح؟ tous les deux voient ensemble, inshallah. C'est facile. Awalan istakhrij ma fi dars min dhuruf az-zaman wal makan. Gadan fi dars gadan. Ah? Nabla fi sallamakum Allah. Tayyib. Istakhrij ma fi dars min dhuruf az-zaman wal makan. Donc sortez du cours tout ce qu'il y a comme ظرف مكان الزمان. Ada كذلك لغد. ثانيا استخرج ما فيه من الظروف المبنية. Sortez les ظروف qui sont مبنية. ثالثا استخرج منه كلمات نابت عن الظروف. Vous devez sortir certains mots qui ont pris la place des ظرف. Comme ce qu'on vient de prendre dernièrement là. Les choses qui remplacent ظرف. طيب العربي عندنا فعل الآن. يقول عين ظرف الزمان والمكان في ما يلي في ما يأتي. الجملة الأولى. منظور. لا. مبتدئ لحظة. أتى أنا استوى. ظرف الزمان لحظة. نعم لحظة. ثانيا. عندك. ثانيا. جلسة الزوار عند المدير نصف الساعة. Donc les visiteurs sont assis chez le directeur une demi-heure. Ça c'est un naïb d'orf, il y en a un autre. Nisfa sa'a wa anda. Anda, en fait. Thalithan. Nam sa'atan bakiyan anjarih mustashfa. Combien d'heures est resté le blessé à l'hôpital? Jarih, c'est blessé. Il est où le Zorf? Sa'atan. Là, Sa'atan, c'est un. C'est un tamiz. Il est où le Zorf? C'est un ism tout seul. Il est présent. Il est présent. Fais pas l'élimination. Il y en a qu'un qui va assez. Ken. Aïe va. Ken. C'est comme Mata ou Aïna. C'est un zorf zemen. Rabian. كيف حيث لا يراك لا ايوه عفوا انا كنت تحت كيف حيث لا يراك احد arrête toi de sorte à ce que personne ne te voit حيث مبني على الدم في ظرف ايش ظرف مكان نعم خامسا هل تسافر الى الرياض هذا الشهر. Est-ce que tu voyages à Riyad ce mois-ci? Zorf Zaman Haza Shahar. Haza. Haza. Ou Wanaï. Sadisan. Akbal al-Adani, l'Hatta ila Masjidi, al-Ba'da. Avant, est-ce que tu as été au Masjid avant l'Adhan ou après? J'ai un Qabl. Aïwa, Qabl. Zorf Maza. Zorf نعم وثم بعد نعم بعد سيدفل الزمن أيضا نعم سابعا صبرت طويلا ظرف زمن لا الصفة صفة الظرف سي كوا صبرت وقتا طويلا ثامنا نمت كل ليل كل كل ليل نعم أين كل نعم كل أيوة سأظرف سأظرف الزمن سأنائب ظرف نائب ظرف تاسعا ساعتين مدة أم ثلاث ساعات أين؟ ثلاثة ثلاثة ساعات. سكوا ثلاث. عدد. سنين ظرف. نين ظرف. إثنان ظرف. ساعتين. أيوة. هذا ظرف. زمان. عشرة. أين مكثت هذا؟ أين مكثت هذه المدة؟ Où as-tu demeuré cette période? Durant cette période. Aina c'est un verbe ish. Aina c'est mekan. Wahadi. Wahadi c'est un verbe. Naïb. Naam. Verbe zaman. Taïb. عين ظروف الزمان والمكان في الآية الكريمة الآتية. Donc là, définissez ou trouvez le ظرف زمان ومكان dans les versets suivants. طيب الآية الأولى. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. عشاء ظرف ظرف زمان. نعم عشاء ظرف زمان. Le soir quoi, ils sont venus à leur père le soir en pleurant. من هم؟ الإخوة يوسف. ثانيا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. نعم. سبعا. فوق ظرف زمان. نعم. لا مكان نعم. ثالثا قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. دعوت قومي ليلا ونهارا. نعم. ليلا ونهارا ظروف زمان. نعم. Monseigneur, j'ai appelé mon peuple de nuit et de jour. رابعا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. Raden. Et l'âme ne sait pas ce qu'elle fera demain. Raden, on a dit dans le Zaman. Naam. Khamisan. Waqila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hada. Al-yawma, dans le Zaman. Liqa'a. Naam. Al-yawma faqad. Il a été dit que aujourd'hui nous vous oublions comme vous avez oublié la rencontre de votre jour que voici. Anisienne, c'est pas-il là? Non. Qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Nasinakum. Allah a dit Nasinakum. Comme quand tu dis. Tarak. Ailleurs. Anisienne, c'est pas-il là qui lui vend un tarak? Mais ça, mon indicien, mon âme, qu'il a oublié, une chose qu'il a su, après l'oublier. Un manatoc. On vous délaisse, vous avez délaissé, la rencontre de ce jour-ci. On m'a délié un Allah, moyen de ça. Aoulen, Sivat Naqs. L'oubli, c'est une caractéristique qui a de manque. Allah a laissé sa fille à. L'oubli, c'est un défaut. Oublier quelque chose à la base, c'est un défaut. Également, on a qu'un homme pour qu'elle assise. Soit Mariam. Seigneur, n'oublie pas. Enfin, comment, quelqu'un va dire, comment ça? On a qu'un homme pour qu'elle assise. Souvent, il y a ce verset-là. Tu dis, comment on fait le lien entre les deux? Tu dis là, la si na akoum, ma na tarak na akoum. Non. Moi, ما ثبت هذا في تقول ان الله ما ينسى اما عكس النسيان Tafkir. طيب ثالثا هات ثلاثة جمل تحوي كل واحد منها عددا نابع عن الظرف هذا سيكون في البيت donc deux trois phrases qui comprennent chacune d'entre elles des nombres qui remplacent الظرف سابعا هات ثلاثة جمل تحوي كل واحدة منها اسم إشارة نابع عن الظرف donc deux trois phrases qui chacune contient un اسم إشارة qui remplace الظرف سابعا ادخل كل الظرف ما ياتي في جمله مفيده هذا نفعل الان توش لانسيري شاك ظرف في جمله مفيده قبل وصلت قبل الحرب طيب بعد اكلت بعد العصر عند جلست عند الشيخ أمام سرق أمام المسجد من؟ من؟ سارق خلفه وجدت المفتاح خلف الحائط تحت التفاح تحت المكتبة المكتب فوق هنا فوق الجبل نعم هنا هنا تحفظ ثم سمت تقرا والمدرس ياتي ما معنى ثم هناك بعيد لابا سي كو سي هناك بعيد حسب أسمع الصوت ثم ثم عند الجبل ممكن طيب فقلنا الدرس كان يتعرض بظرف والظرف يسمى المفعول فيه المفعول فيه والاسم والمنصوب للمكان والزمان بتقدير فيه طيب بتقدير فيه ومنه ما هو معرب ومنه ما هو مبني وبعض الظروف وبعض أشياء تنوب عن الظرف كذلك تشوف له بس مثل صفة تقول جلست طويلا أي جلست وقتا طويلا أو اسم إشارة جئت هذا الأسبوع أو عدد سافرت أربعة أيام طيب أو ما يدل على جزئية وكلية في المكان والزمان مثل كل مثلا نمت كل ليلة أو نمت نصف النهار وهكذا وظرف ومن المنصوبات إلى منصوب وفي محل نصب ولعلنا نأخذ التمرينات ونكمل بك لو حرف الامتناع الامتناع إذا قلت الأمس سي معنى الماضي وأمس معنى اليوم الذي قبل يومنا هذا فقط ونسيت الفائدة مع الإضافة في الأعداد مثلا ثلاثة أيام ثلاثة أيام ما نقول ثلاثة أيام كيف أوي أجل أمي الشيفر الأنفر يعني من ثلاثة إلى عشرة العدد يخلف معدود في تذكيره وتأنيثه De 3 à 10. Il est composé dans son genre. Si le mardoud il est muzakkar, le adad est moins 9. Si le mardoud il est moins 9, le adad est muzakkar. Et le mardoud il est mudaf jam. Mudaf ilayhi après jam. C'est un pluriel, il est mudaf ilayhi. Adabes Qad. Qad. الماضي قط قط هو بطاء نعم الماضي سمعت شيخ قال قد يأتي لا قد لا قد حرف تحكيم من علامة الفعل لا قد قد قد يأتي ونعم أيوة قد يأتي سبكي بيان أو نعم هذا شيء آخر. Et là, on a, alhamdulillah, rabbil alamin.